t'aimer lors d'une soirée ou pour l'éternité. À tous ceux qui se sont aimés, histoire d'un jour ou d'une année. Sachez, mes amis, qu'un jour ou l'autre,